بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واقتفى ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، on a pu voir dans le cours précédent les mérites relatifs à la nuit du destin. Et il nous a évoqué pour cela l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, un hadith dans lequel le prophète a dit: celui qui veille la nuit du destin avec foi et espérance, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah subhanahu wa ta'ala va le mettre sous la protection du mal de ses péchés, qui sont le fait qu'il soit dévoilé et que Allah azza wa jalla le châtie. Donc il sera sous la protection d'être dévoilé du mal de ses péchés et kadhalika du châtiment relatif à ses péchés. Et il nous a évoqué kadhalika que la nuit du destin, indahu, et selon l'avis de l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, c'est la 27e nuit. On a pu voir qu'il y a une parole qui est beaucoup plus juste, qui est le fait de dire que la nuit du 27, c'est la nuit la plus probable, et non pas la 27e nuit, comme on a pu voir à travers les hadiths, dans lesquels le prophète alayhi salatu wasallam a dit que on l'avait informé de Laylat al-Qadr, quelle nuit sera Laylat al-Qadr, laquelle l'information lui a été retirée, car deux personnes se sont chahutées auprès de lui, se sont disputées, et kazalika, dans les rêves, on lui a montré quand est-ce que sera la nuit du destin, et il a oublié. Cependant, il s'est rappelé que, au bon matin de cette nuit-là, il s'est vu prosterné, et que son front avait une trace de tin, d'argile et d'eau. Et Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il a évoqué que je l'ai vu, cette trace-là, et c'était la matinée qui a succédé la veille de la 21e nuit, et dans certaines versions de la 23e nuit. Donc ce hadith-là nous montre bien que la nuit du destin peut tomber dans une nuit autre que le 27. C'est pour ça, ce qui est le plus juste, c'est de dire que la nuit la plus probable, c'est la 27e nuit. Et de ces 10 dernières nuits, celles qui sont plus probables, ce sont les nuits qui sont impaires. C'est pour ça qu'il faut veiller les 10 dernières nuits, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « fil ashri al-awakhir ». Hadith muttafaqun alayh, rapporté par Ibn Umar radiallahu anhuma. قال ها هنا poursuit inshallah. قال مشروعية الجماعة في القيام, la légalité du groupe pendant les prières de nuit. Enfin, il va nous évoquer que ceci est légiféré. قال رحمه الله تعالى قال وتشرع الجماعة في قيام رمضان. Et ça c'est bel ittifaq. Il nous dit ها هنا que il est tout à fait légal de se réunir et de prier en groupe pendant la nuit, de veiller les nuits en groupe, en commun. Ceci est tout à fait légal et légiféré. Et l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il évoque à l'ittifaq que les ulama sont tous d'accord sur cela. Ils s'accordent à dire que il est tout à fait légal et légiféré de pouvoir prier en commun durant les nuits de Ramadan. Personne parmi les ulama a interdit cela. Lakin, ils ont divergé. Est-ce la prière individuelle qui est meilleure ou bien celle qui est en commun? Ils sont unanimes sur le fait que prier en commun durant les nuits de Ramadan, c'est légiféré. Lakin, ils ont divergé. Est-ce le fait de prier individuellement qui est mieux ou bien le fait de prier en commun? قال رحمه الله تعالى قال بل هي أفضل من الانفراد. Et il dit le fait de veiller en commun, c'est mieux que de prier individuellement. Donc il est de l'avis de ceux qui disent que prier en commun durant les nuits de Ramadan, c'est mieux que de prier individuellement. Et cet avis-là, c'est l'avis qui est partagé par la majorité des ulama. La majorité des ulama voient que prier en commun, c'est mieux que de prier individuellement. Pourquoi? قال لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم لها بنفسه. Car le prophète, عليه الصلاة والسلام, il a prié avec ses compagnons certaines des dernières nuits en commun. Donc le fait qu'il l'a fait, ceci il prouve que c'est légiféré et que c'est meilleur. قال وبيانه لفضلها بقوله. Et aussi il a évoqué le mérite qu'il y a dans le fait de prier en commun. Comme il va évoquer le hadith. Certains ont évoqué un troisième argument qui est que Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, comme on a pu voir dans les cours précédents, il a eu la bonne idée de réunir les musulmans derrière un seul et même imam. Et ceci est devenu l'habitude des sahaba et kazalika des personnes qui sont venues après eux. Fait, at-tarawih ou bien qiyam al-layl, qiyam ramadan, c'est devenu une habitude. C'est devenu une chose, une coutume. chez les musulmans, le fait de la prier en commun. Donc là, on a trois arguments. Le fait que le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a présidé les dernières nuits de Ramadan, certaines des dernières nuits de Ramadan avec les Sahaba. Il l'a fait. Et aussi, il a évoqué le mérite et le bien qu'il y a dans le fait de se réunir et de prier en commun. Et troisièmement, c'est devenu un rite. C'est devenu une coutume chez les musulmans. Amalul muslimin ala zalika. Les musulmans œuvrent de ceci, de prier en commun. Et il va nous évoquer, Harouna, le mérite qu'il y a dans le fait de prier en commun pendant les nuits de Ramadan. Qala kama fi hadith Abi Dhar radiallahu anhu, qala. Et il va évoquer le hadith d'Abu Dhar qui montre cela. Qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Ramadan. On a jeûné le mois de Ramadan avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala falam yakum bina shay'an min ash-shahr. Et il n'a pas veillé avec nous en commun durant ce mois. Qala hatta baqiya sab'un faqama bina hatta dhahaba thuluthul layl. Et lorsque c'était la septième dernière nuit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière de cette nuit-là en commun. Qala radiyallahu anhu qala hatta dhahaba thuluthul layl. Et ils avaient prié d'une durée équivalente à un tiers de la nuit. Qala falamma kanat as-sadisatu lam yaqum bina. Et lorsque c'était la sixième dernière nuit, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas présidé la prière en commun. Il a prié individuellement. Falam yaqum bina. On n'a pas prié en commun. قال فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. Et lorsque c'était la cinquième dernière nuit, le prophète عليه الصلاة والسلام on a prié avec lui, ou il a présidé la prière de cette cinquième dernière nuit, حتى ذهب شطر الليل, jusqu'à ce que la moitié de la nuit ait disparu. C'est-à-dire qu'ils ont prié longtemps, d'une durée qui est équivalente à la moitié de la nuit. قال فقلت يا رسول الله et je dis ô messager d'Allah لو نفلتنا قيام هذه الليلة que vois-tu ô messager d'Allah si jamais on priait un peu plus cette nuit-là. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. Il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام en réponse à sa question, إن الرجل la personne, idha salla ma'al imam, lorsqu'il prie avec l'imam, hatta yansarifa, il prie entièrement avec l'imam, jusqu'à ce que l'imam part. Husiba lahu qiyamu layla. Ceci sera considéré comme s'il avait veillé la nuit entière. Donc il est en train de lui dire, fil haqiqa, le fait que tu as prié avec moi en commun, même si nous n'avons pas veillé toute la nuit, ceci est équivalent au fait de veiller la nuit totalement, dans son intégralité. Donc ça nous montre le grand mérite de prier en commun. Celui qui prie avec l'imam, c'est comme si c'est équivalent au fait d'avoir veillé toute la nuit. Même si jamais il a veillé qu'un tiers de la nuit ou bien un sixième de la nuit, le fait qu'il a prié en commun, ça sera comptabilisé comme étant une nuit entière dans laquelle il a veillé. قَالَ فَلَمَّ كَانَتَ الرَّابِعَ فَلَمْ يَقُمْ. Et lorsque c'était la quatrième nuit, la quatrième dernière nuit, il n'a pas présidé la prière de cette nuit en commun. قال فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس. Et lorsque c'était la troisième dernière nuit, le prophète عليه الصلاة والسلام a réuni sa famille, ses femmes et les gens. قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. Et il a prolongé la prière de cette nuit-là au point où on pensait qu'on allait louper الفلاح. قال قلت ما الفلاح, qu'est-ce que le فلاح؟ فقال السحور. Al-Nabi Sam, il a prolongé la prière de la troisième dernière nuit au point où ils ont eu peur de ne pas pouvoir prendre le sahur. Yani, c'était proche que le muadhin il fasse le adhan du fajr. Qala thumma lam yakum bina baqiyat ash-shahr. Et les dernières nuits de ce mois-là, il n'a pas présidé la prière en commun. Ce hadith, il a rapporté par Ashab al-Sunan et autres, et aussi authentifié par Sheikh Muqbah rahimahullah ta'ala. Fi sahih al-musnad. Enfin, ça c'est l'argument de ceux qui disent que le fait de prier en commun, c'est meilleur. Car le prophète l'a fait dans certaines nuits. Il a veillé le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, trois nuits des dix dernières nuits du mois de Ramadan. Donc ceci nous prouve qu'il l'a fait. Et il nous a évoqué, kadhalika, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, le mérite qu'il y a dans cela. Que celui qui prie avec l'imam, ce sera équivalent au fait d'avoir prié, veillé la nuit tout entière. tout entière. Donc ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Que le fait de prier en commun durant les nuits de Ramadan, c'est meilleur. Reste maintenant à évoquer l'argument de la minorité des ulama qui voient que le fait de prier individuellement, c'est meilleur. Quel est l'argument de la minorité de ces ulama? Enfin, ils ont pris un hadith, كَذَلَكَ كَمُتَّفَقُنْ عَلَيْهِ, rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari 1613 et Muslim 781. Dans lequel Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu, nous évoque que le prophète, Ali sallallahu alayhi wa sallam, durant une nuit, il est sorti afin de veiller cette nuit-là. قَالَ فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ. Et certains des sahaba, certains des hommes, ont suivi le prophète lorsqu'il est sorti pour prier, pour veiller cette nuit-là. قَالَ وَجَاءُوا يُسَلُّونَ بِصَلَاتِهِ. Et ils se sont mis derrière lui, et le prophète, عليه الصلاة والسلام, a présidé la prière. قَالَ ثُمَّ جَاءَ لَيْلَةً فَحَضَرُوا. Et dans une autre nuit, ils se sont présentés, afin de faire la même chose que la veille. قَالَ وَأَبْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمْ. Et le prophète, عليه الصلاة والسلام, ils ont remarqué qu'il mettait du temps à sortir. قَالَ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ بَلْ. Il n'est pas sorti. قَالَ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ. Ils se sont mis à élever leur voix afin que le prophète, عليه الصلاة والسلام, il sache qu'ils sont devant sa porte et qu'ils attendent. قَالَ وَحَصَبُوا الْبَابِ. Et ils se sont mis à prendre des petites pierres et à les jeter sur la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire remarquer qu'ils sont là. قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُغْضِبًا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti en colère, furieux. فَقَالَ لَهُمْ قَالَ مَزَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبَ عَلَيْكُمْ. Vous n'avez eu de cesse d'observer cette attitude au point où j'ai craint pour vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait rendre ceci obligatoire, c'est-à-dire la prière de nuit. فَقَالَ لَهُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ. Accomplissez les prières dans vos maisons. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ. Car la meilleure des prières, c'est celle que accomplit l'homme dans sa maison, excepté pour celles qui sont obligatoires. Donc ce hadith-là, il est authentique. Et les ulama, ils en ont déduit, cette minorité parmi les ulama, ils en ont déduit que le fait de prier individuellement, c'est mieux. Car le prophète a dit à la fin, فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ. Cependant, la meilleure prière pour l'homme, pour le muslim, c'est celle qui est faite dans sa maison, excepté celles qui sont obligatoires. Donc ils ont dit, donc, personne d'entre nous a jugé que la prière de nuit, pendant le mois de Ramadan, c'est une obligation. Donc ceci fait partie des surérogations. Donc ceci fait partie des meilleures prières qui sont priées dans nos maisons. Et ils ont dit, donc, le fait de prier individuellement, c'est meilleur. Lakin al-imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a interprété la fin de ce hadith-là en disant que ce qui est voulu dans le hadith, فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَ, ce sont celles qui sont les surérogatoires de manière générale. Excepté les surérogatoires, les actes, les prières surérogatoires qui sont devenus tels que des rites équivalents à Salat al-Aïd. قال رحمه الله تعالى قال هذا عام. Ce qui a évoqué le prophète عليه الصلاة والسلام, c'est une généralité qui touche toutes les nawafil, في جميع النوافل. قال إلا النوافل التي هي من شرع الإسلام. Excepté les nawafil, excepté les prières surérogatoires qui sont considérées comme des rites religieux et dans lesquels il est recommandé qu'elles soient faites en commun et qu'elles soient faites يعني, de manière apparente. قال وهي العيد. Il a évoqué que ces prières surérogatoires qui sont des rites religieux comme celle de عيد, لكن الصحيح c'est que صلاه العيد elle est obligatoire خلاف بين العلماء. قال والكسوف. Aussi il y a une divergence entre les ulama, certains voient que c'est surérogatoire et d'autres voient que c'est une obligation et c'est l'avis qui est le plus prépondérant. قال والاستسقاء. اما الاستسقاء ça c'est une chose qui est مستحب. La salat al-istisqa ça fait partie des prières qui sont quoi? Surérogatoires. On le prie en commun, on le prie à l'extérieur et de manière apparente. Donc là, est-ce que al-istisqa, si on prend le hadith, فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاتَ الْمَكْتُوبَ, la meilleure des prières accomplies est celle qui est faite dans la maison, excepté celles qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit prier salat al-istisqa lorsqu'on demande qu'Allah Azza wa Jal fasse venir la pluie. Est-ce qu'on le prie individuellement dans nos maisons? Parce qu'ils nous disent c'est le mieux. Les meilleures des prières surérogatoires sont celles qui sont accomplies dans les maisons. Non, là, il n'y a personne qui dit cela. Il n'y a personne qui dit que la prière de l'istisqa doit être accomplie dans les demeures. Personne ne dit cela. Parce qu'elle fait partie des quoi? Des rites religieux. Des rites de l'islam qui se doivent d'être priés en commun et de manière apparente. Et il nous dit l'imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala كذلك التراويح. Le tarawih est semblable à la prière de l'istisqa. C'est une prière dont il est légiféré de prier en commun. Comme on a pu le voir, c'est devenu une coutume des sahaba et des gens qui les ont succédés. Donc c'est l'avis qui est prépondérant, wallahu a'lam, c'est l'avis de la majorité des ulama. C'est l'avis de la majorité de ulama, à savoir qu'il est préférable de prier, durant les nuits de Ramadan en groupe. Parce que le prophète l'a fait, même si ce n'est pas toutes les nuits, il l'a fait par peur, comme il a évoqué dans le hadith. مَزَالَ بِكُمْ صَنِعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ. Vous n'avez eu de cesse d'observer cette attitude-là, au point où j'ai craint qu'Allah Azza wa Jal allait rendre obligatoire Salat al-Tarawih, Qiyam al-Ramadan. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas sortir dans certaines nuits, de peur qu'Allah Azza wa Jal rende ceci obligatoire. Donc là, il y avait un empêchement. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il n'aurait pas craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende obligatoire Qiyam al-Ramadan, il serait sorti toutes les nuits. Lakin par crainte que ceci devienne une obligation et que nous remplissons pas cette obligation-là, ensuite, il a préféré ne pas sortir toutes les nuits, afin qu'Allah Azza wa Jal ne rende pas Qiyam al-Ramadan obligatoire. Donc ça, c'est l'avis qui est juste. Qiyam al-Ramadan, il est préférable de le prier en commun, car le fait de faire cela, c'est équivalent au fait de prier la nuit dans son intégralité, comme on a pu voir dans le hadith. Cependant, une chose à évoquer, comme l'ont évoqué certains des salafs. Certains y voient que c'est mieux de prier individuellement si jamais tu es beaucoup plus concentré quand tu es tout seul. Et qu'il est mieux pour toi de prier en groupe si jamais tu vois que lorsque tu pries en groupe, ça te rajoute de la concentration. Donc certains, ils n'ont pas regardé individuellement ou bien en commun. Certains, ils n'ont pas pris en considération comme critère le commun et l'individuel. Mais ils ont pris comme critère la concentration, le khushu'. Et cet avis-là, c'est un avis qui est juste. Parce que lorsqu'on prie, le but, c'est d'être concentré dans la prière. Le but, c'est de méditer sur les versets qui sont lus dans la prière. Le but, c'est de pouvoir faire énormément de dua, d'invocation, durant le sujoud. Ama al-an, t'as certains des imams qui ont une belle récitation, lakin qui ont des sujoud qui sont super courts. T'as même pas le temps de demander. Les recours aussi, c'est court, c'est khafif, c'est léger. T'as même pas le temps de demander. Enfin, ce qui paraît, yani, beaucoup plus proche des valeurs de la prière, dans ce cas-là, c'est de prier individuellement. Et on va le voir que même si tu n'as pas le Coran, tu peux prendre un mushaf et lire. Tu prends le mushaf et tu lis. Si jamais tu vois que lorsque tu es tout seul, ça te rajoute du khushu', ça te rajoute de la concentration, et tu peux ensuite aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit dans ces nuits dans lesquelles Allah azza wa jalla descend, surtout lorsque c'est fait dans le dernier tiers de la nuit, afin que tes doigts soient mustajab. On a même pu voir kadhalika dans le hadith, celui qui se lève et qui dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulk wa alhamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah. Si jamais il prie, sa prière est acceptée, comme on a pu voir dans les mérites de la prière de la nuit. Donc yani, c'est pas seulement yani dans le dernier tiers de la nuit, mais la nuit lorsqu'il se lève, il dit cette dua là, ensuite il prie, sa prière est acceptée. Donc yani, il faut qu'il demande beaucoup. Enfin, moi je vois wallah alam que, comme l'a dit l'imam al-Hassan, on va évoquer la parole de l'imam Hassan rahimahullah ta'ala, Hassan al-Basri, que le mieux c'est d'observer la concentration. Si tu vois que lorsque tu pries tout seul, t'es mieux, t'es beaucoup plus concentré, tu as le temps de faire beaucoup plus de dua, je te conseille de prier tout seul et individuellement. Tu peux prier, comme on a dit, avec un mushaf. Le prophète, alayhi sallam, il a déjà présidé la prière en commun, une des prières obligatoires, en portant un enfant avec lui. Donc si jamais il est légiféré de pouvoir porter un enfant dans les prières qui sont obligatoires, que dire? Le fait de porter un mushaf qui est léger, ou bien par le biais d'un téléphone. Bien sûr, au préalable, tu éteins le net. afin de ne pas avoir les messages qui arrivent, et toi tu es en train de lire le Coran, tu es en train de prier, et il y a des messages qui arrivent. Tu éteins le net et tu prends ton portable dans lequel il y a le mushaf, dans lequel il y a le Coran. Enfin, c'est plus léger, et c'est dans une prière qui est surérogatoire. Donc il est totalement légiféré. On va l'évoquer ce sujet-là, Inch'Allah tabarak wa ta'ala, lorsque ça sera le moment. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, dit, ou plutôt une personne est venue le voir. Ja'a rajulun ila al-Hassan rahimahullah ta'ala. Il lui a dit, fa'ayna ta'murani an aquma wahdi am andam ila jama'ati al-muslimin. Il a dit, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que je prie individuellement, ou bien je rejoins le groupe des musulmans et je prie avec eux en commun? Faqala lahu, innama anta 'abdun murtadun li nafsika. C'est toi qui as le choix. Le choix te revient à toi. Qala fanzur ayy al-mawtinayn kana awjal li qalbika. Il a dit, regarde lequel de la prière en commun ou individuellement te rajoute de la crainte et de la peur dans ton cœur. Wa ahsan li tunqidhaka fa 'alayka bih. Et regarde dans lequel des deux tu seras le plus éveillé, et je te conseille dans ce cas-là de choisir cette solution. Donc, wallahu a'lam, le mieux, c'est de regarder la concentration. Dans l'endroit dans lequel tu seras concentré, fa'alayka bihi kama qala al-imam al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, et ça pourra l'aller retrouvable de Qiyam al-Layl wa Qiyam Ramadan wa Kitab al-Witr l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Fa'adha huwa al-khulasa, ça c'est la conclusion de ce passage-là. Nassallahu azza wa jal. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse profiter de ce qu'on a pu lire et qu'il nous place parmi les gens qui mettent en application ce qu'on a pu lire.